météorite explose et c'est le choc, puis c'est le Big Bang. Voilà la théorie de l'origine de notre Terre. Elle possédait bien d'actes végétation dans les artères. Pourtant la flore ne perd pas de temps pour s'écraser sous la pierre. Cela ne date pas d'hier, depuis toujours l'homme entreprend et s'instruit. Puis le construit et détruit, finit par s'entasser dans ses propres détritus. Pendant qu'il s'entretue, de temps en temps la Terre émet des tremblements prouvant son désaccord hardcore. Les mers débordent, elles se fâchent, le tonnerre gronde et c'est la drache. On arrive à se foutre la rage avec la manière de se dire bonjour. Shalom ou salam ou selem ou c'est l'homme qui s'assassine et sa personne devient malade. C'est une balade en cascade, regarde un peu la génétique de ta salade. On grandit avec les orties et les ordures, on vient se battre pour l'ordure. Mais une bonne partie va terminer aux drogues dures. Produit de l'homme, j'émane de sa conscience, ratifié par les grandes puissances. Le vin pour sauver la couche d'ozone, éviter que les déserts augmentent. Le réchauffement de la planète est net, chacun le sait, pourtant nombreux sur les canettes et autres déchets sur la voie publique jetée. J'ai été mis sur pied à force de voir fondre les glaciers. Les ours polaires en meurent, mes opposants aiment aller à la plage pour bronzer. J'ai peine à voir ces avares, pollution, acheter des milliards d'hectares d'air à des pays sous-développés d'Afrique noire. Le non-respect de la terre-mère, la disparition de milliers d'espèces. Les alliés contre les faits de serre, les végétaux qu'on massacre de façon massive. Mon nom est Kyoto, des États-Unis, je suis la cible. La Chine ne m'apprécie guère, pourtant c'est à sauver l'homme que je sers. Il faut qu'ils comprennent que si leur astre disparaît, ils le suivront de près, retourneront à la poussière. Dans cette noirceur, échappement, je reste le rayon de lumière. दिल मंगना वे सौदा इको जिया de vous multiplier jusqu'à atteindre les 6 milliards, des millénaires à vous servir de bouclier. Sans moi vous n'êtes rien, mais les siècles qui passent vous l'ont trop bien fait oublier. Vous m'adressez les cultes au départ, mais votre soif de connaissance et d'arrogance a dû vous amputer la mémoire. Ça fait trop longtemps que vous perdez la boule, et depuis votre chère colombe en a les ailes pleines de ma soude. Votre Dieu est l'or et ceux de l'époque écolière. Vous faites pèlerinage sur des plateformes pétrolières. Vous êtes la pire espèce que j'ai abritée. Vous ne méritez aucun respect, même pas de la pitié. Paraîtrait que mon chauffeur aurait le place de Kyoto, mais il suffit d'un sac de dollars pour qu'un salaud passe le pot. Quand c'est grave comment je crève, personne n'a les couilles d'agir. Qu'on s'apprête à connaître les grands frères du tsunami. Je vous invite à faire une courte incursion dans mon univers. Année 2060, les hommes ont tout foutu en l'air. On vit dans la désolation, la nourriture se fait rare. Les sécheresses sont succédées par les inondations. Tout est bouleversé, on les avait prévenus, mais ils ont préféré continuer à tout déverser, à laisser notre atmosphère pourrir. Si vous pouviez voir ce que ça donne, vos yeux devraient faire face au pire. Aux terres disparues, submergées par les océans, à toutes ces villes frappées de plein fouet par les ouragans, aux chaleurs accablantes entraînant misère et famine, aux maladies respiratoires qui assassinent, car nos écosystèmes sont bien trop perturbés. Les cancers de la peau frappent hiver comme été. Trop d'espèces animales se sont fait mater. Bref, la nature n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया।